c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Durant 20 ans, Jamie Gourmaud est resté cloîtré à l'arrière de son camion siglé « C'est pas sorcier ». Pendant que Fred arpentait le terrain, lui restait enfermé avec ses maquettes et pour seule fenêtre sur le monde, un petit écran de télé dans un coin de son atelier, soi-disant roulant. Mais depuis, il a eu sa revanche, Jamie. Avec son émission « Le monde de Jamie », il a pu éprouver pour de vrai les joies des tournages en extérieur, dans des déserts arides aux États-Unis ou en Éthiopie, au bord des cratères des volcans à Hawaï ou au Guatemala, ou encore en haute altitude dans la cordillère des Andes. « Le monde de Jamie » est vaste et sa curiosité insatiable. Son livre intitulé « Mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques » paru aux éditions Stock, en est une preuve de plus. Cette fois, Jamie porte un regard émerveillé sur nos régions. Aujourd'hui, nous allons profiter de son enthousiasme communicatif. Jamie Gourmaud nous emmène poser un regard curieux sur le monde qui nous entoure. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre traîne savate planétaire préférée, Pierre Josse, rédacteur en chef du Guide du Routard, qui nous proposera une visite insolite de la ville de Vilnius, en Lituanie. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Le générique mythique de C'est pas sorcier, ça vous fait quoi aujourd'hui quand vous l'entendez, Jamie, après 25 ans après le début de cette aventure-là? Mais je l'ai entendu très souvent parce qu'il a annoncé 570 émissions. Donc voilà, je l'ai. C'est un ras-le-bol, c'est ça? Vous n'en pouvez plus? Ah non, non, pas du tout, parce que même si c'est terminé, même si ça a duré très longtemps, j'en garde un excellent souvenir. Quand on accompagne une émission et que cette émission vous accompagne pendant 19 ans, on ne peut pas en garder de mauvais souvenirs. Voilà, que des bons. J'ai grandi avec C'est pas sorcier. Quand vous avez commencé cette émission, vous vous attendiez à un tel succès, une telle longévité? Absolument pas. Moi, je me souviens précisément quand on écrivait le concept de l'émission avec Fred sur le coin d'une table. C'était à peu près il y a 19 ans comme aujourd'hui, c'était au tout début du mois de juillet. J'ai gardé, c'était une nappe en papier d'un coin de bistrot, je l'ai gardé la nappe. On se disait l'un et l'autre, bon, si ça dure 2-3 ans, ce sera pas mal. Comment s'est reparti, se sont répartis les rôles? Pourquoi c'était Fred Courant, qui était sur le terrain et vous dans ce camion enfermé? Alors ça s'est fait de manière très naturelle. Moi j'avais vraiment envie d'expliquer. Et puis à l'époque, j'étais JRI et j'allais être papa. Et j'avais envie de voir grandir mon petit garçon. L'envie d'expliquer, l'envie de me poser un peu. Fred, lui, avait envie de prendre l'air, d'aller sur le terrain. Ben voilà, la répartition des rôles s'est fait de manière tout à fait naturelle, sans que l'un ait envie de prendre le rôle de l'autre. Alors, vous étiez JRI, c'est-à-dire que vous étiez journaliste, vous n'étiez pas scientifique, vous n'avez pas de formation scientifique? Non, je n'ai pas de formation scientifique, j'ai une formation littéraire et une formation de journaliste. Mais j'ai toujours considéré que ce qu'on faisait dans C'est pas sorcier, c'était le béaba du journalisme, c'est-à-dire expliquer, donner les clés pour que le public fasse lui-même son jugement. C'est pas une émission éditoriale, c'est une émission où vous donne les clés. Après, vous en faites ce que vous voulez. Quand C'est pas sorcier s'est arrêté, vous saviez que les sciences seraient toujours présentes dans votre travail, dans votre vie? Vous aviez mordu à l'hameçon des sciences pour tout le reste? J'y ai pris goût dès le début. La première émission que l'on a faite, c'était sur le son. C'est une émission qu'on avait tournée au Francofolie à La Rochelle. L'invité, c'était Véronique Sanson. Je m'en souviens très bien parce qu'on était en backstage, on assistait à toutes les répètes. Et pour préparer cette émission, je me suis intéressé à ce qu'était le son. Et je me souviens de mon émerveillement quand j'ai pigé que le son, c'était quelque chose de physique. C'est-à-dire que à l'instant où on échange tous les deux et où on s'adresse aux auditeurs, eh bien, mes cordes vocales sont en train de faire vibrer toutes les molécules qui composent l'air que nous avons entre nous. Et puis, cette vibration se transmet de proche en proche. Alors, nous, jusqu'à nos tympans, pour les auditeurs, eh bien, jusqu'à ce micro. Et puis, la membrane du micro vibre. Et puis, elle fait vibrer un aimant. On crée des signaux électriques qui, ensuite, vont être transformés. Une réaction en chaîne. Voilà. Et quelque chose de physique. Et ce truc-là m'a vraiment émerveillé. Et je me suis dit, j'ai envie d'expliquer le monde comme ça, depuis le son jusqu'à la naissance des planètes ou au fonctionnement des volcans. Et alors en 2014, quand C'est pas sorcier se termine, vous lancez une nouvelle émission, Le monde de Jamy. C'est l'occasion pour vous, enfin, je le disais un peu en boutable en introduction, mais il y a un peu de ça, de sortir du camion et d'aller sur le terrain. Alors, heureusement, de temps en temps, Fred m'emmenait dans ses bagages. Ouais. Voilà. Et là, bon, C'est pas sorcier s'arrête. On décide de bosser sur un autre format, un format plus long de 110 minutes. Et je me dis, il faut absolument mettre à profit ce que j'ai acquis pour pouvoir l'expliquer en direct. Faire ce qu'un journaliste de France 3, Hervé Brusini, en échangeant avec lui, me dit un jour, en fait, tu fais de la pédagogie immédiate. C'est exactement ça. Envie de prendre une feuille d'arbre et simplement avec la feuille entre mes mains expliquer ce qu'est la photosynthèse. Alors quitte à prendre parfois quand même quelques risques, comme ici en compagnie d'un chasseur d'orage, Xavier Delorme, oui, du côté de Chambéry. Oui, on a entendu un claque encore. Ouais. C'est qu'on sait dangereux. Oui, c'est dangereux là. Oui, parce qu'on est, bon, on est au sein du nuage, on voit pas ce qui se passe autour de nous. Hein? On subit l'orage, là. Il y a des flashs tout autour, là. Ouais. Donc nous, on est ici, si j'ai bonne mémoire. Oh, c'est tombé là, combien, là? C'est tombé à 30 mètres. J'ai vu. Alors là... Là, on est très près, là. C'est pour ça qu'on va peut-être... On va y aller, ouais. On va peut-être bouger. Donc nous, on était là. C'est pas grave. Tu connais la route. Ouais, on est là, ici. On est ici. On a confiance en toi. On bouge. Allez, on bouge. Sensation forte. Oh, ce claquage. Ouh. Oh là là. Sensation forte, on vous sent pas franchement rassuré, la Jamy. Absolument pas, je me souviens précisément de cette scène. Il faut savoir qu'on a été obligé de baisser le son de la foudre au moment du montage. Ça a été une surprise totale, on accompagnait donc ce chasseur d'orage et il a tellement bien réussi son coup, on voulait s'approcher le plus près possible de l'orage pour bien observer le déclenchement de la foudre. Il a tellement bien réussi son coup qu'il nous a mis au cœur de la foudre. Ouais. Et on était à un endroit, c'était extrêmement dangereux. Il nous a demandé de refermer les fenêtres, il a donné l'ordre, on était plusieurs voitures, à chaque personne, les cadreurs, les ingénieurs du son, de surtout ne pas mettre le pied dehors. Et on est parti très vite. Et je vous promets que j'ai vu cette boule de feu à 30 mètres, un claquement, qui vous fait froid dans le dos. Voilà. Alors pour le monde de Jamy, vous êtes allé vraiment très loin. Vous êtes allé sur Mars ou presque, dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Oui. Vous avez visité une base particulière. Alors une base dans laquelle des étudiants, souvent des chercheurs, vont vivre dans les conditions dans lesquelles sont appelés à vivre les futurs marsonautes. On appelle ça des équipages analogues. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où ils rentrent dans cette base, eh bien, ils doivent tout faire comme s'ils y étaient. C'est-à-dire que pour sortir dehors, puisque c'est le sol, enfin quand je dis le sol, la Terre qui commande, eh bien ils doivent appeler la Terre. Est-ce qu'on peut sortir? Mais étant donné que les planètes se déplacent autour du Soleil et que la distance entre la Terre et Mars varie au fil des jours, eh bien quand on est au plus loin, eh bien quand ils posent leurs questions, il faut 22 minutes pour qu'elles atteignent la Terre, il faut autant pour qu'elles reviennent. Et donc ils vivent comme ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour essayer d'analyser justement l'impact de cet éloignement. Ouais. de la terre-mer. C'est plus une simulation psychologique, hein, finalement, que l'on teste tout à fait, dans ce décor qui ressemble un peu quand même à un décor martien. Ah, complètement, on est dans l'Utah, c'est vraiment les décors américains qui ressemblent aux décors de Lucky Luke, pour les amateurs de bande dessinée. Moi j'y suis allé en plus en hiver, il y avait une petite pellicule de neige, c'est extraordinaire, on a l'impression d'être sur une autre planète. Alors pour le monde de Jamy, vous êtes aussi allé en haute altitude, cette fois-ci dans la cordillère des Andes, à l'extrême sud de la cordillère des Andes, dans les montagnes de Patagonie. Là aussi, ça doit être un sacré souvenir. C'est un très très beau souvenir, c'était une émission sur la montagne, on était au sud du Chili, on a quitté la route 40, enfin sa partie carrossable, on a roulé pendant une journée et demie sur un sentier, et puis on est arrivé dans un petit village où notre guide nous attendait. On a préparé les sacs à dos. Le lendemain, on a traversé un lac et puis on a remonté un torrent jusqu'à un autre lac, le lac Léonès, dans lequel se jette un extraordinaire glacier. Et on s'est approché donc de ce glacier. J'ai eu la chance et en même temps le désespoir de voir des pans de ce glacier s'effondrer dans le lac. Vous avez vu naître des icebergs. J'ai vu naître des icebergs, mais on l'a un petit peu dit dans la partie précédente, des icebergs qui, si les températures n'augmentaient pas, n'auraient peut-être pas dû naître. Après ces tournages et ces expériences en terre lointaine, vous avez eu envie de consacrer votre premier livre, hein, c'est votre premier livre, à des paysages beaucoup plus familiers. Vous vouliez montrer que l'on n'a pas besoin d'aller forcément à l'autre bout du monde pour s'émerveiller et exercer sa curiosité. Non, parce que cette émotion des paysages, elle existe partout. Pour moi, c'est la même, que ce soit sur le lac Léonès dont on parlait il y a quelques instants, ou que ce soit au pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées. C'est exactement la même chose. Il y a l'émerveillement du paysage, de ce que l'on voit, et puis il y a l'émerveillement de la compréhension de ce qu'on y fait, du phénomène qui s'y déroule ou de ce que l'homme est en train d'y faire. Alors vous allez nous emmener dans la suite de cette émission, dans quelques-unes des étapes de votre Tour de France. Nous allons passer entre autres par la Vendée, le Mont-Saint-Michel, les Hauts-de-France. Jamy Gourmaud est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter jusqu'à 18h. En 2008, les gens se croisaient dans les airs, au volant de coléoptères, supersoniques mais silencieux. En 2008, il y avait des immeubles mous qui se transformaient tout à coup au gré des climats capricieux. En 2008, les couleurs étaient incroyables, d'ailleurs elles étaient innommables, on en parlait comme des dieux. En 2008, se regarder au fond des yeux, c'était comme faire l'amour à deux. 2008, c'était comme ça, en 1978. En 1978, moi j'étais un petit garçon qui rêvait de 2008 comme le plus beau des horizons. Je nous voyais en 2008 avec nos têtes colorées en bleu ou en orangé selon ce qu'on aura mangé. En 2008, les couleurs seront incroyables, d'ailleurs elles seront innommables, il n'y aura pas d'autre dieu. Dans la rue, on s'embrasserait, ce serait comme si on se connaissait. 2008, c'était comme ça, en 1978. 1978, ce sera comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. 78-2008, c'était Philippe Catherine sur France Inter. Maintenant, je vais aller chercher Jacques, le pêcheur d'anguilles, qui doit être dans les marais de la Guillière. Ah, ça y est, j'ai repéré la barque. Alors là, comme ça, c'est le bonheur. Allez, vas-y, tire. Tire, tire, tire. Allez, Rudy. Ben là, il y en a un petit peu. Regarde, c'est quoi ? Non, c'est une petite sole, mais bon. L'anguille est quand même un peu une icône quoi, de la Vendée, en fait, quelque part. Alors, le temps est orageux aujourd'hui, ça favorise la pêche. L'anguille, elle aime bien circuler lorsque le temps est orageux. Il y a assez plein de secrets. Hein. Je crois que je partirai sans avoir tout compris. Mais t'es fait, c'est terrible. C'est plus vite, moi. Mais bon, il faut tous les jours y croire un petit peu. C'est de la survie. Un père et son jeune fils en train de pêcher quelque part dans un marais vendéen. Voilà qui doit vous évoquer quelques souvenirs, Jamy Gourmaud. Oui, j'ai vécu ça, moi aussi, avec mon père et mes frères. Et c'est vrai que lorsqu'on avait la chance de pêcher une anguille, c'était un trophée. On rentrait très fiers de la pêche. Voilà. Vous êtes originaire de Fontenay-le-Comte, oui, en Vendée, et justement votre livre Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques commence précisément là, dans ces marais vendéens que vous connaissez depuis votre plus tendre enfance. Ce qui est un peu différent avec ce à quoi vous nous aviez habitués, c'est que vous prenez le temps de nous laisser pénétrer par l'émotion, des paysages, de les décrire. Les mots sont choisis, c'est très bien écrit. Et avant de nous expliquer quoi que ce soit, d'abord, vous nous prenez par l'émotion dans votre livre. Oui, c'est pour cette raison que j'ai eu envie d'écrire ce livre. On a souvent le sentiment que, avec des images à la télévision, on véhicule de l'émotion, on véhicule une émotion visuelle, mais ça va très vite, la télévision. Une émotion que l'on ressent, il faut un petit peu de temps pour la décrire. Et ça, je n'avais jamais réussi à le faire, je n'ai jamais réussi à le faire à la télévision, et j'avais envie de le faire avec les mots. Parce qu'une émotion, ça dure. Une émotion, il y a une naissance, c'est lié à un paysage, une atmosphère, une sensation physique, une odeur, un toucher. Et tout ça, j'avais envie de le véhiculer, de le raconter. Alors, une fois que vous nous avez émerveillés par l'endroit, on regarde un lever de soleil. Vous préférez les levers de soleil au coucher de soleil, contrairement au Petit Prince. Pourquoi ? Ben parce que ce sont les promesses de l'aube. Voilà, le soleil qui se lève. J'aime ça parce que on passe d'un monde du silence à un monde de musique. C'est-à-dire que quand le soleil se lève, il n'y a pas que la lumière qui jaillit. D'un seul coup, il y a un petit vent qui se lève, il y a des oiseaux qui se mettent à chanter, il y a des animaux qui commencent à vivre dans le marais dont je parle. Donc c'est une promesse, donc c'est le jour qui arrive et il va se passer des choses. Il va se passer aussi une explication, parce qu'une fois qu'on est dans cette ambiance, évidemment, vous faites ce que vous savez faire depuis des années, vous nous expliquez. Et un lever de soleil avec vous, c'est l'occasion d'apprendre encore mille choses, et notamment que on évolue à ce moment-là à une vitesse phénoménale. Et c'est pour ça que le phénomène qui a lieu devant nos yeux est si fugace. Eh oui, parce que quand j'étais enfant, j'étais moins bon pêcheur que mes frères et mon père. Donc je pense que j'ai passé plus de temps à observer ce qui se passait autour de moi plutôt qu'à pêcher. Et donc j'ai des souvenirs de ce lever de soleil qui me fascinait, qui allait très vite. Et cette couleur, ce rouge qui perce d'un seul coup, ça a fait partie des questions que je me suis posées. Et j'ai eu la chance, avec C'est pas sorcier, avec le monde de Jamy, de pouvoir expliquer ces phénomènes et de comprendre, si je vous raconte le phénomène, que finalement la lumière qui est émise par le soleil, et bien quand elle traverse notre atmosphère, elle rencontre une multitude d'obstacles, les molécules qui composent l'air. Alors, quand le soleil est à la verticale, à midi, les rayons traversent une épaisseur d'atmosphère beaucoup moins grande que lorsque le soleil se lève. Quand le soleil se lève, la distance parcourue dans l'atmosphère est très grande, et donc une grande partie des couleurs, des rayons, du rayonnement rencontre ces obstacles, et une grande partie du rayonnement est diffusée. Et donc, il n'y a que le rouge qui parvient à passer à travers ces obstacles. Et si c'est si fugace, c'est parce que tout ça se passe à la une Terre vitesse... Tourne. Eh oui, la Terre tourne. 1100 kilomètres. Alors, à l'endroit où nous sommes, on est à 1100 kilomètres heure. À l'endroit où nous sommes, quand je parle de la Vendée, au niveau du 46e oui. parallèle, quand on est au niveau de l'Équateur, c'est 1700 kilomètres par heure. Là, on est à 1100 kilomètres par heure. C'est quand même très vite, et c'est ce qui explique que très vite, eh bien, les rayons du soleil, le soleil se retrouve de plus en plus haut dans le ciel, et les rayons du soleil ont de moins en moins de distance à parcourir, et donc les couleurs sont de moins en moins diffusées. Allez, on quitte ces promesses de l'aube en Vendée, parce que votre balade passe aussi par le Mont Saint-Michel. Je vous y téléporte, Jamy, pour rejoindre Romain Pilon, un guide local. Mmh. Ici, on est sur une zone qui est régulièrement recouverte par la mer. Assez régulièrement, on va dire. En fait, ici, c'est recouvert vraiment que par des marées de vives eaux. Après, il y a d'autres secteurs que toutes les marées recouvrent. Mais il ne faut pas croire ici, parce qu'on est dans une baie, que comme sur une plage, tout ce qui est minéral est recouvert tous les jours par la marée. Donc ici, c'est que les marées de vives eaux qui viennent. Alors, il y a une passerelle aujourd'hui pour atteindre le mont, mais autrefois, les pèlerins passaient systématiquement par la baie, quitte à prendre des risques. Oui, même la prise de risque, parce que c'est un milieu dangereux, particulier, évolutif, faisait partie intégrante du pèlerinage. Beaucoup plus de pèlerins ont été attirés, je dirais, à venir au Mont Saint-Michel, plutôt que dans d'autres lieux dédiés à Saint-Michel en Europe, parce que justement, l'endroit était un peu entre terre et mer. On pourrait dire quelque part extraterrestre, quoi. Parce que il fallait ici gérer le va-et-vient de la marée, éviter les sables mouvants, mais aussi parce qu'il y avait une connotation, je dirais, initiatique presque à ce passage au travers de la baie, parce qu'ils y voyaient en fait des références religieuses, la traversée de la mer Rouge, la purification par l'eau en traversant les fleuves, la traversée du désert et même le combat entre les forces du mal et les forces du bien. Le bien, c'est Saint-Michel, vers lequel on va, la lumière. Le mal, c'est les ténèbres, en fait, qui sont sous nos pieds, matérialisés ici par les sables mouvants. Un extrait de votre émission « Une envie de jardin », Jamy Gourmaud. Dans votre livre, vous passez aussi par le Mont Saint-Michel. Et comme vous vous livrez beaucoup plus dans votre livre, c'est vraiment l'occasion de parler de votre enfance, de vos découvertes. C'est une visite du Mont Saint-Michel à quoi, une quarantaine d'années d'intervalle. Oui. Vous y allez une première fois étant adolescent, à 14 ans. La première fois que je suis allé au Mont Saint-Michel, c'était en voyage scolaire, voyage de fin d'année. Et donc cette année-là, ça devait être en 78 ou 79, je ne sais plus, 78 je pense. Et donc on va au Mont Saint-Michel. Et donc le Mont Saint-Michel, pour nous tous élèves, c'était une photo dans notre livre de géographie, une photo qui avait vraisemblablement été prise par un avion, enfin depuis un avion. Et donc on fait le voyage et on arrive au Mont Saint-Michel. Et à l'époque, les véhicules allaient jusqu'au mont, il y avait une route, il se garait sur un parking, et là on descend du car, et on se retrouve devant un mur. Et ça ne ressemble absolument pas à l'image que l'on se fait du Mont Saint-Michel. Alors la visite commence, tous les élèves descendent du car, et puis on se retrouve, on franchit le porche, et on se retrouve dans le Mont Saint-Michel. Et là non plus, ça ne ressemble pas à ce que l'on avait imaginé, parce qu'on ne voit rien quand on est dans le Mont Saint-Michel. Les rues sont étroites, on lève la tête, on distingue à peine le clocher, et on est un petit peu déçu, presque. Et on repart. On rentre et on se dit, c'est bizarre quand même cette histoire de Mont Saint-Michel. Quand même, vous vous interrogez sur la façon dont cela a été construit. Évidemment. Ça éveille quand même votre curiosité, déjà à l'époque. Évidemment. Et les réponses vont arriver, on comprend qu'on est sur un rocher, que le rocher va être bâti. Mais la puissance du Mont Saint-Michel, il va me falloir quelques années pour la comprendre. Et on ne la comprend que lorsqu'on voit le mont en s'en éloignant. Et là, c'est une autre histoire. Et ce qui est merveilleux, enfin moi ce que j'adore, c'est se retrouver, quelle que soit la saison, mais enfin, à la fin de l'été, on est à 7-8 kilomètres du mont, au bord de la baie, on est seul, on a le mont face à soi. On est en contact direct avec le monde et on s'imagine que là, dans les ruelles, il y a plusieurs milliers de personnes. Voilà. Et on est à 8 km et c'est là qu'on est en contact avec le monde. Suite de nos pérégrinations dans les régions de France avec Jamy Gourmaud, nous allons passer par l'Ardèche en Montgolfière dans un instant. C'était Juice, l'ISO sur France Inter, le temps d'un bivouac. Alors là, le brûleur est en route. Là, le brûleur est en route. Le brûleur est en route. Par petits coups, l'air se réchauffe. Et le ballon commence à se lever du sommet. Le sommet est retenu par un membre d'équipage qui tient une corde de couronne pour que le ballon ne monte pas trop vite. Le ballon est en train de se redresser et il va venir en position verticale. Il est 3h15, on est parti. Le ballon décolle, comme le temps est très très calme, on décolle tout doucement. Xavier de Montgolfier dans une montgolfière en 2017. C'est donc un descendant de l'un des deux frères montgolfiers. Jamy Gourmaud, dans votre Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, ce livre paru chez Stock, vous nous plongez dans l'histoire des sciences aussi au travers des lieux que vous traversez. Et visiblement, l'histoire des frères montgolfiers vous passionne complètement. Alors, Il y a une chose qui me passionnait. Je voulais faire ce chapitre sur les frères Montgolfier, tout simplement parce que je crois que je l'écris au tout début de ce chapitre. Les uns et les autres, on prend l'avion, on s'assoit à côté du hublot, l'avion décolle, on voit la terre s'éloigner, nos paysages qui ressemblent à un mouchoir à carreaux. On a une petite émotion, mais ça s'arrête là. Et se remettre à la place de ces deux personnages, alors non pas les frères Montgolfier, mais le marquis d'Arlande et Pilâtre de Rosiers, les deux hommes, les deux premiers de l'histoire de l'humanité qui ont vu la Terre d'en haut. Je me dis, quelle émotion ce qu'ils ont pu ressentir. Les deux premiers qui ont vu finalement la Terre comme la voient les oiseaux, un rêve de qui remonte aux premières heures d'Homo sapiens, mm-hmm. qui regardait les oiseaux et qui se dit mais qui avait envie de voir la même chose. Voilà. Et je voulais raconter cette histoire, ce défi, parce que évidemment pour nous aujourd'hui, quand on parle de vol d'altitude, on a une foultitude d'images qui nous viennent tout de suite, qui nous reviennent en tête, parce que on vit au milieu de tout cela. Mais à l'époque, rien. Rien. Et puis il fallait oser, c'est-à-dire qu'au départ, quand ils tentent de construire ce qui va être la première montgolfière, d'abord ils le font, c'est à vide, c'est un ballon, on chauffe, on voit que ça monte. Ensuite, il faut trouver l'idée. Comment faire monter? Les frères Montgolfier sont très curieux. Ils passent beaucoup de temps à faire des expériences. Ils sont pas petits à l'origine. Donc ils cherchent. Et puis c'est Joseph manifestement qui va avoir l'idée à un moment où il est à Avignon. Il est parti chez un de ses fournisseurs. C'est le début de l'hiver. Il est dans sa chambre. Il fait froid et il va se mettre au lit, mais il a tellement froid avant d'enfiler sa chemise de nuit à l'époque. Il décide de la réchauffer et on raconte qu'il l'aurait approché donc de la cheminée, que l'air chaud s'y serait engouffré et que là, la chemise aurait pris du volume et qu'il aurait eu le déclic. Voilà, et très vite, donc, il a écrit à son frère qu'il avait trouvé et qu'il fallait qu'il prépare tout le matériel. Dès qu'il va arriver à Annonay, eh bien, ils vont fabriquer pas une toile parce qu'elle est en papier, une enveloppe, et ils vont la gonfler, la remplir d'air chaud, et ils vont voir leur premier ballon s'élever. On est au mois de décembre 1782. En Ardèche. Alors au début, ils font leur test un petit peu dans leur coin, dans le secret. Ça jase autour, on se demande ce que fabriquent ces deux frères Montgolfier. Et puis en fait, ensuite ils font des démonstrations, d'abord à vide, ensuite c'est une poule, un mouton, et puis un canard qui sont embarqués, parce qu'on se demande dans les airs, est-ce qu'ils vont respirer, est-ce qu'ils vont vivre. Exactement, et ça c'est intéressant aussi, parce que on s'est souvent demandé pourquoi ces trois animaux. Alors le coq et le canard, on comprend, ce sont des volatiles, mais pourquoi un mouton? Eh bien parce que ne connaissant pas les effets de l'altitude, il fallait envoyer un mammifère en altitude pour voir s'il supportait les conditions. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi un mouton. Alors, Louis XVI est très emballé par cette aventure. C'est un peu la conquête de l'espace avant l'heure. Complètement, mais ce sont les débuts. Oui, ce sont les débuts. C'est la conquête des airs. Alors Louis XVI même a une suggestion, il dit, alors les démonstrations à ce moment-là se font à Paris, Louis XVI dit on va mettre, puisqu'on ne sait pas du tout si les premiers hommes qui s'élèveront dans les airs survivront à l'expérience, on va mettre des condamnés à mort. Alors, voilà. Il n'en est pas question. Oui, parce qu'au début, quand le premier vol avec des passagers, les animaux que l'on a cités réussit, eh bien très vite, on se dit on va envoyer des hommes. Mais qui envoyer? Et donc effectivement, Louis XVI a proposer des condamnés à mort. Et à ce moment-là, c'est le marquis d'Arlande qui va s'y opposer, qui va dire mais c'est pas possible. Des condamnés à mort ne peuvent pas avoir l'honneur d'être les premiers hommes à à voler. Ouais. Alors ça ne pouvait pas non plus être les deux frères montgolfiers, Joseph et Étienne, parce que leur père leur avait rigoureusement interdit de monter à bord de leur engin. Alors il y en a un des deux qui le fera finalement. Il y en a un des deux qui montera à bord d'une montgolfière, parce qu'après on va appeler cet aérostat une montgolfière. À l'époque on appelle ça une machine volante, mais un seul des deux. Mais les deux premiers à le faire, ce sont donc Jean-François Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes. Alors voici un extrait du récit de ce premier vol de l'histoire de l'humanité, s'il vous plaît, par le marquis d'Arlandes. Nous sommes partis du jardin de la Muette à 1h50 et 4 minutes. La situation de la machine était telle que Monsieur Pilâtre de Rosiers était à l'ouest et moi à l'est. L'air du vent était à peu près nord-ouest. La machine, dit le public, s'est élevée avec majesté. Mais il me semble que peu de personnes se sont aperçues qu'au moment où elle a dépassé les charmilles, elle a fait un demi-tour sur elle-même. Par ce changement, M. Pilâtre s'est trouvé en avant de notre direction, et moi, par conséquent, en arrière. J'étais surpris du silence et du peu de mouvement que notre départ avait occasionné parmi les spectateurs. Je crus qu'étonné, et peut-être effrayé de ce nouveau spectacle, ils avaient besoin d'être rassurés. Je saluai du bras avec assez peu de succès, mais ayant tiré mon mouchoir, je l'agitai, et je m'aperçus alors d'un grand mouvement dans le jardin de la Muette. Il m'a semblé que les spectateurs qui étaient éparses dans cette enceinte se réunissaient en une seule masse, et que, par un mouvement involontaire, elle se portait pour nous suivre vers le mur, qu'elle semblait regarder comme le seul obstacle qui nous séparait. Nous étions donc le 21 novembre 1783, premier vol humain de l'histoire. Ça avait lieu à Paris, pas loin d'ici. Pas loin, absolument. Pas loin d'ici. Et effectivement, on imagine la surprise de ces hommes qui, pour la première fois, ont vu la Terre d'en haut. Voilà, et l'attention du public aussi, qui voit ces deux hommes s'élever dans les airs, en ne sachant pas s'ils reviendront un jour sur Terre ou dans quel état. Ils vont revenir. Ce qui est fabuleux dans ce récit que j'ai lu, parce qu'il a été publié dans le Mercure de France, le journal de l'époque, c'est que il parle des personnes qui assistent, du public, ils parlent de la machine, mais ils font rarement état de leur émotion, de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont très très préoccupés par le fonctionnement de leur machine, par l'exploit, sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils sont en train de vivre. Allez, on a le temps de faire une dernière étape dans votre Tour de France, qui en compte bien plus, hein, Jamy Gourmaud. 16 étapes. 16 étapes. D'ailleurs, vous les avez choisies comment, ces étapes? Alors, la première, la Vendée, parce que c'est un petit peu là que tout a commencé, et puis je voulais parler du lever du jour. Et puis la dernière, le pic du Midi de Bigorre, parce que, c'est un endroit, on pourrait en parler aussi, un endroit extraordinaire, et c'est un des plus beaux endroits, me semble-t-il, sur le territoire métropolitain pour observer le ciel, donc les étoiles la nuit. On commence au lever du jour, on finit avec un ciel étoilé. On ira y faire un tour demain dans un reportage au pic du Très midi. Bien. Et puis alors après, eh bien j'avais envie de balayer toutes les grandes disciplines, parler de paléontologie, parler de géologie, parler d'astronomie, de communication. Donc voilà, je voulais réussir à balayer tous ces grands grands sujets. Et puis aussi les mines dans le Grand Nord, là, enfin dans le Grand Nord, dans les Hauts-de-France, dans le Nord de France. Ça aussi, ça vous passionne. Et alors, c'est l'occasion de revenir sur l'histoire des mineurs, et c'est aussi l'occasion de revenir sur un passé beaucoup plus lointain, et sur ce qu'était la France il y a des centaines de millions d'années, parce que c'est inscrit dans ces mines. Absolument, il y a 320 millions d'années. Là, on est au Carbonifère, au Paléozoïque, et ce qui est fabuleux, c'est que quand on visite des mines, eh bien, on remonte un passé récent, le passé de la révolution industrielle. On remonte au 19e siècle, le début du 20e siècle,

Bonjour Pierre Josse. Bonjour Daniel. Rédacteur en chef du Guide du Routard. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Lituanie, c'est ça ? Oui, je vous emmène à Vilnius, capitale de la Lituanie, donc l'un des trois pays baltes. Alors, outre leur intérêt historique et culturel, ils présentent l'avantage de faire gagner aux visiteurs 3 heures de vacances en plus, n'est-ce pas, Jamy ? Oui, je crois que j'ai compris. Et pourquoi ? Mais parce qu'ils bénéficient des célèbres nuits blanches, ces nuits fabuleuses où à minuit il fait encore jour, permettant de multiplier, de prolonger de délicieuses balades urbaines. Alors la vieille ville, charme, en grande partie piétonne, aux romantiques ruelles et reflétant d'ailleurs tous les styles de ses envahisseurs. Église au baroque sublime, séduisant monuments médiévaux ou classiques, et émotions garanties lors de la visite de l'ancien ghetto, remarquablement rénové. Jadis, d'ailleurs, importante communauté juive qui donna à Vilnius le surnom de Jérusalem du Nord. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, la vieille ville a interdit le néon. Bravo ! Atmosphère romantique, là aussi garantie. Daniel, impossible d'en citer toutes les richesses. Hein. Bon, alors c'est très tentant, mais vous m'aviez parlé d'une caractéristique de la ville unique et vraiment insolite. Eh ben, je vous voulais dégoter. En effet, Vilnius possède un quartier, Uzupis, environ, allez, imaginez, 7000 habitants, qui s'est révolté il y a une quinzaine d'années contre son abandon total par les pouvoirs publics. Complètement cerné par la Vilnia, une rivière locale, accessible uniquement par des ponts, ce quartier très pauvre d'ouvriers, de petits artisans, de boutiques désuètes, d'anciens palais déglingués transformés en HLM, fut totalement oublié par les soviétiques, puis par tous les gouvernements libéraux qui lui succédèrent. Résultat des courses, furieuse, excédée, la population se réunit en agora, débat démocratiquement de son avenir, décide de prendre en main son destin et déclare la République indépendante d'Uzupis. Alors, des pancartes officielles furent postées à l'entrée des ponts avec poste de douane, élection d'un président, d'un maire et, tenez-vous bien, même d'un évêque. Voilà. Création d'une armée de 12 membres et envoi d'un ambassadeur à Moscou. Et alors je suppose que cette république s'est quand même donné un cadre démocratique. Ah, tout à fait. Des commissions d'élaboration de la population travaillèrent sur un cadre politique. Elles accouchèrent d'une constitution en 41 points qui régissent désormais la vie sociale et politique d'Uzupis. Voter en assemblée et placardé sur les murs du village sur des panneaux en cuivre en plusieurs langues. Cher Daniel et Jamy, je ne peux m'empêcher de vous en livrer quelques articles où l'humour et la dérision révèlent en fait une volonté de maintenir un véritable esprit communautaire. Tiens, par exemple, article 3. L'homme a le droit de mourir, mais ce n'est pas un devoir. Il a le droit également de faire des erreurs, de n'être ni remarquable ni célèbre, de paresser ou de ne rien faire du tout. Il a le droit aussi d'être incompris, de douter, mais ce n'est pas obligé. Attention. Le droit, bien sûr, d'être d'une nationalité différente. En revanche, article 30, l'homme n'a pas le droit d'être violent et surtout, article 31, d'avoir des vues sur l'éternité. Et moi, l'article que je préfère, c'est le numéro 13. Écoutez bien. Un chat a le droit de ne pas aimer son maître, mais il doit le soutenir dans les moments difficiles. Ah oui, ils sont voilà. Forts, hein, là-bas. Et enfin, on termine par l'article 41. N'abandonne jamais. Et évidemment, les loyers bas dans les maisons de bois délabrées, les entrepôts abandonnés, les palais en décrépitude, ces rues mal pavées, moussues, ces chemins de terre menant à des jardins et des potagers sauvages et à des lambeaux de forêt attirèrent au fil des années nombre de marginaux, poètes, artistes, ravis de la solidarité des habitants et surtout des bonnes vibrations du quartier, propices à alimenter leur créativité. Et Uzupis devint progressivement à la mode. Alors ça, c'est le pire qui pouvait lui arriver, hein, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dénaturation de l'esprit de ce quartier original ? Tout à fait, Daniel. C'est inévitable. Effet pervers, aujourd'hui, l'arrivée des vautours de l'immobilier vantant l'atmosphère bohème d'Uzupis, puis la boboïsation rampante, les galeries d'art branchées, les restos chics, tout ça inévitablement altère le caractère original du quartier. Les prix grimpent, les plus démunis sont chassés. Cependant, Uzupis, jumelé à la commune de Paris, non, à la commune, à la commune libre de Montmartre, résiste à la normalisation et sait encore offrir de réjouissants clins d'œil, de poésie urbaine et de chaleureux moments de rencontre. Allez, Chers auditeurs, venez vite respirer cet air libre et joyeux, notamment en bord de rivière, au café douane Ouzoupier Caviné, pour trinquer d'une rude bière locale, ou bien alors au Gira, une poisson bizarre à base de pain fermenté. Une boisson d'homme, comme dirait le brave Lino. Merci Pierre Josse. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique vagabonde, une coédition Hachette Le Routard. À mardi prochain, Pierre. Jamy, est-ce qu'on vous a donné envie d'aller faire un tour à Vilnius avec cette étonnante république? Absolument, pour des vacances. D'ailleurs, je vais l'utiliser comme principe de base. L'homme a le droit de ne rien faire. C'est quel article? Absolument. Ouais, c'est pas mal. On retiendra cet article. Merci Jamy Gourmaud d'être passé par notre bivouac. Je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale. Demain à 16h, bivouac en zone interdite. Nous nous rendrons dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et puis à 17h, nous reviendrons sur le premier tour du monde en bateau réalisé par l'expédition de Magellan il y a 500 ans tout juste. À demain donc pour de nouvelles aventures. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Laïla Kadour Boudadi pour un nouveau mag de l'été. Bonjour Laïla. Bonjour Daniel, si je vous dis qu'il a les cheveux poudrés, tenus par un catogan, qu'il a des col blanc, des lunettes noires pour éviter qu'on voit son regard de myope. Vous pensez à qui? À Karl Lagerfeld. Eh bien, j'hésitais au début entre Francis Lalanne et Karl Lagerfeld. Eh bien, c'est bien vu. C'est Raphaël Baquet, la grand reporter du Monde, qui vient nous en parler dans son bouquin Kaiser Karl. On va écouter ça avec grand plaisir. À tout à l'heure, Laïla.